L'hologramme, c'est un peu le terme générique pour définir l'image du futur. Combien de films de science-fiction depuis Star Wars montrent ces images réalistes en 3D sans support qui font office de nouveaux modes de projection? Mais au risque de vous décevoir, que vous soyez plus Tupac ou Mélenchon, les projections in absentia sur une scène n'ont pas grand-chose à voir avec les véritables techniques holographiques. Développées dans les années 60, elles ont été investies autant par les scientifiques que les militaires et les artistes, avant de tomber peu à peu en désuétude. C'était jusqu'à l'apparition de l'holographie numérique puis l'holographie quantique qui ouvre de nouvelles perspectives d'imagerie, notamment médicale et de précision. J'aime les hologrammes, c'est le programme 3D qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, un titre mystérieux que je vous laisse le soin de décrypter. Pour évoquer en tout cas l'histoire de l'holographie et son évolution jusqu'à nos jours et les nouvelles applications de l'holographie quantique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hugo Defienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Glasgow et Gilles Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UFR de physique de Sorbonne Université et chercheur à l'Institut de la Vision où nous nous rendrons pour le reportage du jour. Mais on commence par le journal du Covid, pardon, par le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Science. Les anciens océans à la surface de Mars ont peut-être été absorbés par ces roches. Mais où est donc passée l'eau martienne? On a longtemps cru que l'eau à la surface de Mars était évaporée à mesure que la planète perdait son atmosphère pour devenir ce désert aride que l'on connaît. Selon une équipe américaine, cette hypothèse ne tient pas la route. Les chercheurs se sont appuyés sur les observations du rover Curiosity de la NASA et sur l'analyse de météorites martiennes trouvées sur Terre. Selon leurs simulations, Mars s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, puis des océans sont apparus et il y a 3,7 milliards d'années, la planète commençait déjà à s'assécher avant de finir, il y a environ 3 milliards d'années, aussi aride qu'aujourd'hui. Alors selon ce papier, la disparition des océans a probablement été causée par l'hydratation crustale, un phénomène d'hydratation de la croûte qui existe aussi sur Terre. Les roches profondes auraient pu absorber au moins 30% à 99% de l'eau impiégée dans des minéraux de la croûte. Peut-être que la planète a même été plus riche en eau qu'on ne le pensait. Les enquêtes du rover Perseverance permettront de le confirmer. Et pour tout comprendre à ces phénomènes d'absorption martienne, nous vous avons posté comme chaque jour l'étude, en l'occurrence de Science, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi bien que vous pourrez retrouver plus tard sur la page de l'émission de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Hier, la Haute Autorité de Santé a validé un nouvel outil de dépistage du coronavirus, les autotests. Et bientôt, il sera possible de se faire tester en pharmacie, en laboratoire, mais aussi chez soi, sans l'aide d'un soignant. Les autotests sont des tests antigéniques, ce sont des cotons-tiges à frotter dans les narines, puis à tremper dans une solution, puis sur une lamelle, un peu comme un test de grossesse. En 30 minutes, vous avez le résultat. Alors ces tests sont moins fiables que les PCR, ils sont sensibles de 80 à 95% chez les patients symptomatiques, mais de 50 à 60% chez les asymptomatiques. Ils sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, et il devrait être accessible dans les prochains jours. Le prix Abel 2021 vient tout juste d'être décerné à deux mathématiciens, Laszlo Nowacz et Avi Vigdersson. On considère le prix Abel comme le Nobel des maths. L'Académie norvégienne des sciences et des lettres récompense donc le Hongrois Laszlo Nowacz et l'Israélien Avi Vigdersson pour l'ensemble de leur carrière et en particulier pour leur recherche sur la vitesse et l'efficacité des algorithmes. Les mathématiciens ont notamment travaillé sur la théorie de la complexité, la théorie des graphes, la cryptographie ou encore les réseaux de neurones artificiels. Les lauréats se partagent ce prix doté de près de 750 000 euros. Voilà, et nous recevrons justement demain un mathématicien Étienne Gis pour ses travaux. Nous le ferons réagir à ce prix Abel 2021. Et pour conclure, selon une étude commandée par les maires ruraux de France, les ruraux sont de plus en plus éloignés des accès aux services d'urgence. La désertification médicale n'est pas un phénomène nouveau, mais cette étude montre que le problème s'aggrave au cours des ans. En 2012, 2 millions de personnes se trouvaient à plus de 30 minutes de services d'urgence. On considère considèrent qu'au-delà de 30 minutes, on dépasse un seuil critique, hein, par exemple pour un AVC. 2 millions de Français en 2012, aujourd'hui 6 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, c'est 10% de la population, et sur ces 6 millions, 75% vivent en milieu rural. Entre l'espérance de vie qui diminue à la campagne, entre les difficultés d'accès aux soins hospitaliers et aux médecins spécialistes, entre les urbains et les ruraux, les inégalités de santé s'aggravent avec le temps. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Si pour vous un hologramme c'est une partie d'échec dans Star Wars avec des pièces étranges ou une chanteuse morte, voire un homme politique en 3D sur une scène de spectacle, on va tout reprendre depuis le début. La technique holographique est apparue dans les années 60 avec pour objectif de restituer sur un support 2D une vision stéréoscopique en 3 dimensions, c'est-à-dire capturer en plus des couleurs d'un objet ce qu'on appelle sa face de champ, soit son relief. C'est ce que vous pouvez trouver très quotidiennement sur des billets de banque ou certains tubes de dentifrice, voire de façon un peu plus sophistiqué sur votre passeport s'il est récent, mais il est vrai que l'imagerie holographique a eu son heure de gloire et d'espoir. On y voyait la technique d'imagerie du futur, elle a donné lieu à un engouement dans les années 70, tant de la part des scientifiques que des artistes, comme en témoigne notre archive du jour, extrait d'Interactualité en décembre 1979. Il est difficile de raconter comment on fabrique un hologramme, mais le résultat défie l'imagination. Ainsi, un très beau vase en cuivre nous est présenté dans un cadre. Si on se dresse sur la pointe des pieds, on peut en voir le fond, exactement comme si le vase était là, à portée de la main. Jusqu'à ces dernières années, le hologramme n'était qu'une curiosité. On s'en sert maintenant pour réaliser des mesures d'une formidable précision. Michel Grossman, professeur de physique, l'un des organisateurs de l'exposition, nous en donne un exemple. Si vous voulez mesurer la distance d'une oreille à l'autre d'une personne, si vous essayez de le faire pratiquement, vous verrez que ce n'est pas tellement facile. Si vous essayez de passer un double décimètre dans la tête de la personne, elle n'y survivra pas. Si vous disposez d'une photo en relief de la personne, vous pouvez mettre un double décimètre dans la photo en relief et vous avez une mesure immédiate, extrêmement rapide, de la distance d'une oreille à l'autre sans être obligé de tuer la personne. Voilà, le physicien Michel Grossman qui avait participé à cette exposition dont il est question, c'était l'exposition qui avait lieu au musée d'art moderne sur l'holographie entre décembre 79 et avril 1980. Je vous vois sourire, Gilles Tessier, à cette explication de Michel Grossman. Oui, c'est évidemment la règle à travers le crâne qui m'a fait sourire. Néanmoins, c'est les années 70, c'est le plein boom de l'holographie, hein, ce moment où on attend beaucoup, à la fois dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine artistique. C'est vrai. Et les attentes se sont finalement un petit peu déplacées aujourd'hui. L'holographie, elle continue à séduire un large public grâce à la 3D qui existe toujours. Mais scientifiquement, il faut dire que les applications, elles se sont beaucoup décalées de ces aspects 3D. On y viendra, on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Hugo Defienne, une réaction à cette archive que vous venez d'écouter ? Non, j'ai trouvé ça aussi assez amusant, la règle pour mesurer entre les deux oreilles. Mais c'est vrai que, comme vient de le dire Gilles, effectivement... Les applications sont bien différentes, je pense, par rapport aux perspectives de l'époque, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, pour vraiment passer outre cette confusion qu'on peut avoir aujourd'hui, je le disais sous forme un peu de clin d'œil dans l'introduction, Hugo Defienne, quand on voit des personnalités supposément en trois dimensions sur une scène de spectacle, on ne parle pas véritablement de technique holographique, ça n'est pas la même chose. Non, alors généralement quand effectivement on voit ces personnages en 3D qui sont en temps réel, la plupart du temps on parle ici d'une technique qui s'appelle une illusion de paper. En fait, ce qui se passe c'est qu'on a juste une vitre sur laquelle on a une image qui est projetée et par un jeu de lumière, on voit apparaître uniquement cette image comme si le personnage flottait en 3 dimensions. Mais en fait, si on fait le tour du personnage, on voit qu'en fait on voit toujours l'image sous le même angle. Et donc c'est pas une vraie reconstitution tridimensionnelle du personnage. Pourquoi est-ce qu'il y a, Gilles Tessier, cette espèce d'option ? Alors, est-ce que c'est vraiment lié totalement à la science-fiction que l'hologramme, ce serait finalement cette projection sans support d'une image tridimensionnelle dans l'espace ? C'est pas vraiment de ça dont on parle, ou est-ce que ça peut être une forme d'hologramme que on n'a pas encore réussi totalement à réaliser ? Alors, sans support, en tout cas, non, parce qu'il faut effectivement que la lumière passe à travers un support qui la transforme pour qu'on ait cette illusion de 3D. Mais en dehors de cet aspect-là, oui, effectivement, on peut arriver à projeter de la lumière et comme le disait Hugo il y a quelques instants, permettre de changer de point de vue, et ça, c'est vraiment essentiel en holographie. Aujourd'hui, on est très loin, Hugo Defienne, de cette image de science-fiction, de la projection, de l'holodeck de Star Trek, je ne sais pas, en tout cas, de ces personnages ou... ces objets en trois dimensions qui flotteraient comme ça au milieu d'un salon, de la télé du futur en quelque sorte. Le problème, en fait, dans Star Trek ou dans Star Wars, c'est principalement le fait que le support n'est pas derrière l'objet. Jusqu'à présent, on a réussi à faire des hologrammes. L'hologramme apparaît toujours entre le support et nos yeux. Et donc, dans Star Trek ou dans Star Wars, effectivement, le support, il est en dessous. On a l'impression que c'est quelque chose en 3D. Donc, ça, on n'a pas encore réussi à le faire, non. Gilles Tessier, sur la perspective d'un jour avoir ces fameuses téléholographies qu'on dit. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment de la SF, quoi. Au niveau technologique, c'est pas tout à fait prêt. Il y a effectivement des systèmes qui permettent de modifier les ondes optiques, de s'approcher de l'holographie, mais au niveau de la vitesse ou de la définition des images qu'on peut obtenir, on n'est quand même pas tout à fait là. On va revenir dans la réalité, on va essayer de suivre un peu et de comprendre l'histoire de l'apparition de cette imagerie holographique des tout débuts jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'holographie quantique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'hologramme aujourd'hui en compagnie d'Hugo Defienne et de Gilles Tessier. Pour bien comprendre, on va reposer les bases. Et pour comprendre les bases de l'holographie, il faut rappeler peut-être en quelques mots, Gilles Tessier, ce qu'est la vision en relief. Pourquoi est-ce que nous voyons en trois dimensions ? Alors la réponse elle est assez simple, c'est parce qu'on a deux yeux. Et avec un seul œil, on ne voit pas en relief. C'est donc le fait que chacun de nos yeux voit la réalité suivant un angle légèrement différent qui fait que notre cerveau est capable de reconstruire à partir de cette subtile différence entre les deux images qu'on perçoit l'information en 3D. Hugo Defienne, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons en trois dimensions, mais tous les êtres vivants ne voient pas en trois dimensions. C'est une particularité de la vision humaine, cette vision stéréoscopique ? La vision stéréoscopique, elle existe aussi chez d'autres espèces, mais c'est effectivement une des particularités de... Toutes les espèces n'ont pas cette vision, et c'est une particularité de l'espèce humaine, oui. Alors, c'est vrai que si on ne voyait que d'un seul œil, on ne verrait pas en relief. Évidemment, quand on se cache un œil, on voit encore en relief, mais ça, c'est juste grâce à notre cerveau. C'est parce que notre cerveau a l'habitude du relief, donc on reconstitue les informations, Gilles Tessier. Voilà, interprète cette image. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir en arrière dans l'histoire. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la guerre, l'optique devient vraiment un domaine de la physique, et notamment en ingénierie, qui est extrêmement prisé. C'est vrai. Je dirais que c'est sans doute Lippmann, Gabor qui ont démarré ça en réalisant les premières images. Et d'ailleurs, les premiers hologrammes qu'a réalisé Gabor, ils étaient plutôt destinés à l'imagerie électronique. Mmh. Et donc à enregistrer des images microscopiques. Hugo Defienne ? Oui, donc je voulais juste revenir sur le point du travail de Gabor, donc qui est considéré un peu comme le papier fondateur de l'holographie. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est que quand j'ai relu l'article, on se rend compte effectivement, comme Gilles le disait, que sa problématique, c'est vraiment de la microscopie électronique. Mmh. Mais en fait, son problème, l'origine de son problème, c'est que à l'époque, en tout cas, les lentilles qu'on utilisait en microscopie électronique, elles avaient de fortes aberrations et ça réduisait fortement la résolution qu'on obtenait dans ces systèmes d'imagerie. Mmh. Et là, et lui, il voyait l'holographie comme une méthode pour s'affranchir de l'utilisation des lentilles. Parce que comme on va le voir un peu plus tard, on va voir qu'on n'a pas besoin en fait d'une lentille pour faire de l'holographie. Et il n'envisageait pas forcément du tout cette idée d'avoir des reconstructions tridimensionnelles. D'ailleurs, dans le papier, il explique en quelques phrases, il est étonné, il dit que c'est surprenant que dans les figures qu'il observe, cela fonctionne à la fois avec des objets 3D et des objets plans. Mmh. Ce qui montre bien que c'était pas ça qu'il cherchait au départ. La personne dont vous parlez, c'est Denis Gabor, hein, qui est un physicien hongaro-britannique, à la fois hongrois et anglais donc. Peut-être qu'il faut expliquer un peu quelles sont exactement ces recherches de Denis Gabor. Comment est-ce qu'il a abouti finalement à ce qui sera, en tout cas reconnu par l'Académie Nobel comme la base de l'image holographique, puisqu'il obtiendra un prix Nobel en 1971 pour ses travaux, alors même que ses travaux sont pas très concluants et qu'il va s'en éloigner assez vite justement, faute de résultats qui le convainquent. Effectivement, peut-être parce qu'il touchait à deux communautés, puisque Denis Gabor, il enregistrait des images de microscope électronique et il les lisait optiquement. Donc il était sans doute un petit peu à cheval. Il faut dire aussi que donc c'est seulement après, quand l'holographie est devenue entièrement optique, je dirais qu'elle a vraiment pris son essor. Alors quels sont les travaux de Denis Gabor ? Est-ce que vous pouvez essayer de nous les expliquer, à quels résultats il arrive et comment est-ce qu'il met en place ces premiers hologrammes ? Gilles Tessier et puis Hugo Defienne après. Son idée, comme le disait Hugo, c'était d'enregistrer des hologrammes venant non pas d'ondes optiques, mais d'électrons, qui peuvent être considérés comme des ondes aussi, s'ils ont des longueurs d'onde très très faibles. Et donc, d'utiliser une plaque pour enregistrer des interférences, et ça c'est vraiment le concept important en holographie, des interférences entre les électrons qui ont rencontré un échantillon, celui qui intéresse Gabor. Il faut bien comprendre que ce qui est important pour obtenir une image holographique, c'est qu'il y a deux moments distincts très importants. Il y a celui de la captation de l'image et celui ensuite de la, j'allais dire de la gravation, c'est pas du tout français, de l'impression de l'image. Voilà, la gravation, c'est un vilain anglicisme. Hugo Defiane, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les méthodes que développe Denis Gabor pour capter, pour enregistrer d'abord cette image en trois dimensions? Donc pour l'enregistrement de l'image en trois dimensions, donc la phase d'enregistrement dans l'holographie, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de prendre en photo une figure d'interférence. On ne prend pas la photo d'un objet, on prend la photo d'une figure d'interférence. Donc pour cela, Denis Gabor, il a utilisé une source de lumière cohérente, c'est-à-dire une source de lumière qui peut générer des interférences. Et il a illuminé un objet, cet objet a diffracté la lumière. Et la lumière diffractée, elle a été ensuite superposée avec de la lumière qui provenait également de l'objet. Et lors de cette superposition, il apparaît une figure d'interférence. Mmh. Et c'est cette figure d'interférence qui contient finalement l'information sur la structure tridimensionnelle de l'objet. On va vous mettre, alors, parce que on va parler d'optique, et évidemment parler d'optique sans schéma, c'est parfois un peu abscons, donc on va vous mettre un certain nombre de schémas qui peuvent vous permettre de vous représenter ces différentes étapes de la construction de l'image holographique jusqu'à l'hologramme optique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aider bien à visualiser justement cette méthode d'holographie dite interférentielle? Comment est-ce que vous pourriez la décrire ou la schématiser, Gilles Tessier? Alors, puisqu'on parle d'ondes, je pense qu'une bonne analogie, c'est de parler d'ondes de surface qu'on connaît tous, les vagues. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne sait pas mesurer facilement, en tout cas en optique, la position d'une vague. On connaît sa hauteur, qui va être finalement la quantité de lumière, est-ce que c'est brillant ou sombre. On connaît l'espacement entre deux vagues successives, c'est la longueur d'onde, la couleur. Donc ça, aucun problème pour mesurer ça. Par contre, la position d'une vague à un instant T, c'est impossible à mesurer. Et donc, la seule astuce que l'on sache utiliser, c'est de faire des interférences, c'est-à-dire de superposer plusieurs vagues au même endroit. Et donc dans ce cas-là, si vous imaginez que j'ai une bosse sur une vague superposée à une autre vague qui aurait plutôt un creux au même endroit, eh bien la bosse et le creux vont s'annuler, on va se retrouver avec quelque chose de plat. Et donc au contraire, si au même endroit se retrouvent deux crêtes de vagues, eh bien elles vont s'additionner pour créer une vague plus grande encore. Et donc ça, on sait le mesurer, puisqu'en optique, on sait mesurer la hauteur des vagues. Et c'est comme ça qu'on va arriver à mesurer la position des différentes ondes, la position de ces différentes vagues. Et du coup, c'est effectivement les ondes lumineuses. Comment est-ce que se situe justement l'objet à cartographier à travers ces ondes? Comment est-ce qu'on peut le poser dans cette analogie? Alors, dans l'analogie des vagues, ce serait quelque chose qui interagirait avec la vague. Donc, admettons une île, un obstacle sur la trajectoire de cette vague qui va la déformer. Et le rôle de l'holographie, ça va justement être d'enregistrer l'amplitude, la position, l'espacement des vagues qui ont été perturbées par cet objet. Et du coup, ça, c'est pour l'enregistrement. Comment, quand on passe à l'impression, à la deuxième phase, quelles sont les méthodes qu'utilise Denis Gabor, Hugo Defiane? Alors, une fois qu'on a enregistré donc notre hologramme sur une plaque holographique, il y a la deuxième phase qui est la phase de lecture. Donc, quand on a une plaque holographique, on réillumine en fait la plaque holographique sous une certaine direction pour faire réapparaître, pour pouvoir visualiser finalement l'objet en trois dimensions. Ça, c'est les premières méthodes, les méthodes de lecture optique. Mais de nos jours, on utilise principalement maintenant des méthodes numériques parce qu'on utilise très peu de plaques holographiques pour enregistrer des hologrammes. Maintenant, on enregistre des hologrammes avec des caméras numériques et ensuite on reconstitue l'objet sous forme en trois dimensions grâce à une approche numérique. On parlera tout à l'heure de l'holographie numérique. Ce qui est intéressant dans ces premiers travaux de Gabor, c'est que Denis Gabor va les abandonner assez rapidement parce qu'il manque en fait un outil essentiel. C'est le laser, c'est-à-dire un faisceau monochromatique qui va être plus intéressant, en tout cas, justement pour cartographier au départ l'objet que l'on souhaite obtenir en image holographique. Oui, effectivement, c'est vraiment très dur d'observer ces interférences, de caractériser ces vagues si on n'a pas la bonne source. Je pense qu'une bonne analogie, c'est d'imaginer donc qu'une lumière classique, la lumière du soleil par exemple, c'est les vaguelettes qu'on crée si on jette une poignée de gravillons dans de l'eau. On va créer plein de petites vagues, mais après quelques centimètres au-delà des points d'impact, on ne verra plus rien. Il y a encore des vagues qui se superposent, mais elles sont tout à fait brouillées. Un laser, c'est une belle houle qui se déroule avec une période parfaite et de manière très régulière. Oui, et puis toutes les vagues sont alignées sur la même longueur d'onde, et donc c'est beaucoup plus facile à lire, Hugo de Fienne. Oui, absolument. En fait, on appelle ce type de source des sources qui sont cohérentes, c'est-à-dire qui ont très grande longueur de cohérence, et ça permet facilement de générer des phénomènes d'interférence. Alors la deuxième étape, donc on le dit, hein, Gabor va se détourner de son invention, il va aller travailler plutôt dans l'ingénierie télévisuelle qui est plus prometteuse à l'époque. Bon, il a eu peut-être, je ne sais pas s'il a eu du nez ou pas, en tout cas il obtiendra quoi qu'il en soit, et ça avait d'ailleurs posé quelques critiques, le prix Nobel tout seul en 1971 pour cette première technique d'holographie. Néanmoins, elle va être complétée à deux reprises. La deuxième étape, c'est une étape russe, Gilles Tessier. Oui, c'est Denis Hughes hein, qui a fait finalement les premiers hologrammes entièrement optiques, qui étaient plutôt en transmission à travers la plaque, alors ce qui marchait relativement bien, mais qui avait tout de même des inconvénients, puisque on était placé face à la source, et donc une visualisation qui n'était pas très confortable. Mmh. Hugo de Fienne, sur cette deuxième étape de Youri Denisiouk, qui va travailler d'ailleurs à l'époque en URSS en pleine guerre froide, donc complètement de son côté, il va falloir beaucoup de temps avant qu'on ait accès à ses travaux. Oui, effectivement, non, j'ai pas grand chose à rajouter à part ce que vient de dire Gilles. Effectivement, la méthode est en développement, mais elle est pas encore complète. La phase de lecture est pas encore optimale et elle sera développée comme on va sûrement y arriver un peu plus tard par. Allons-y, développons-la complète. Il manque encore le laser. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il y a une rupture en 62 avec l'invention du laser, la source de lumière cohérente qui va tout changer, Hugo de Fienne. Oui, absolument, parce que avant qu'on ait cette source de lumière cohérente, c'était extrêmement difficile de faire de l'holographie car pour avoir de la lumière cohérente, il fallait filtrer de la lumière, il fallait la manipuler d'une certaine manière, c'était compliqué. Dès qu'on a eu la lumière laser, finalement, ça a été vraiment le déclenchement du développement des techniques d'holographie, parce que maintenant, on pouvait faire des interférences très facilement avec des systèmes optiques beaucoup plus simples. Cette troisième phase, elle commence, c'est une sorte d'histoire de la guerre froide de la moitié du XXe siècle, l'histoire de l'holographie, parce que là, pour le coup, c'est une histoire militaire, avec Leys et Upatniecks, et c'est une vraie technologie militaire qui commence d'ailleurs par utiliser la technologie radar, Gilles Tessier. Oui, effectivement, ils ont commencé dans ce domaine-là, mais donc très vite sont passés à l'optique. Et leur idée, elle est assez simple en fait. C'est donc de séparer la voie objet et la voie qu'on va appeler référence, c'est-à-dire une lumière qui va directement illuminer la plaque qui sert à l'enregistrement. Ouais. Et cet angle-là qu'ils introduisent, c'est une astuce toute simple, mais qui va permettre de séparer donc l'illumination et la restitution de l'objet. Et c'est ça qui vraiment déclenche l'essor de l'holographie, je crois. Alors peut-être qu'on peut essayer maintenant. Alors on vient de poster justement, Noémie Nagel vient de poster un schéma de ce qu'est aujourd'hui, de ce qu'on entend par l'holographie optique, un hologramme optique. Donc concrètement, si vous deviez essayer de le décrire à l'oral, Hugo de Fienne, comment ça se passe, comment ça marche, c'est-à-dire de quoi on a besoin, comment on cartographie l'objet et comment l'objet du coup est imprimé sur cette plaque holographique. Alors lorsqu'on veut créer un hologramme optique, il suffit d'utiliser donc l'outil principal, c'est un laser. Donc dans une expérience conventionnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le faisceau laser en deux faisceaux. Mmh. On va avoir un faisceau qui va être dirigé vers l'objet, qui va illuminer l'objet dont on veut faire l'hologramme. Cet objet va diffracter la lumière. Et cette lumière diffractée, ensuite, on va venir la superposer sur l'autre faisceau qui provient de la même source. Mmh. Et lors de cette superposition, on place donc la plaque holographique ou une caméra à cet endroit-là. C'est au niveau de cette superposition que se produit le phénomène d'interférence. Et donc, c'est là que l'information sur la structure tridimensionnelle de l'objet s'enregistre. C'est là qu'est notre hologramme. Mmh. Gilles Tessier, on parle d'interférogramme. C'est quoi un interférogramme exactement ? Eh bien, c'est une figure donc de lumière ou absence de lumière, plus ou moins complexe, qui se produit donc quand on superpose une ou plusieurs ondes. Donc, dans le cadre d'un hologramme, si l'objet rencontré par la lumière est complexe, et il l'est en général, eh bien cette figure, elle est tout à fait ininterprétable à l'œil nu. C'est vraiment une superposition de motifs absolument abstraits qu'on les regarde au microscope ou à l'œil simple. Et du coup, la plaque holographique, elle doit être particulière ou est-ce qu'on peut imprimer ces hologrammes sur n'importe quel type de plaque? Alors, ce sont des plaques photosensibles, hein, comme on les utilisait dans les pellicules, elles sont argentiques en général. Plusieurs types coexistaient. À l'époque, on faisait encore beaucoup d'enregistrements. Donc, soit des enregistrements qui jouaient sur l'intensité de l'onde en l'atténuant ou non, et d'autres qui jouaient plutôt sur un changement d'indice optique dans la plaque photographique. Donc, une plaque qui reste transparente, mais qui affecte tout de même les ondes en les décalant les unes par rapport aux autres. Hugo de Fienne, comment est-ce que... Du coup, on arrive dans les années 70, hein, je le disais, ça, c'est à partir de ce moment-là, et une fois qu'on a des lasers à définition, qu'on met en place cette holographie optique, que le nombre de publications commence à être démultiplié. Comment est-ce qu'on travaille à ce moment-là dans les années 70? Je crois que le nombre de publications est multiplié par 25 dans la décennie 70. Quels vont être les travaux justement en holographie? C'est le moment où on pense que l'hologramme, c'est effectivement la méthode de projection du futur en quelque sorte. Alors oui, effectivement, on envisage à ce moment-là, en tout cas, un grand avenir pour l'holographie, notamment donc pour fabriquer donc ces objets en trois dimensions, donc pour reconstituer des objets en trois dimensions, faire l'holographie d'objets pour avoir un objet en trois dimensions, une structure tridimensionnelle d'un objet. Donc ça, c'est important. Ça a été immédiatement pensé pour par exemple de l'imagerie biologique. Si on veut aller faire de l'imagerie de tout petits objets, on peut les reconstruire en trois dimensions. Ça a été évidemment pensé aussi pour faire du stockage de données. Parce qu'on s'est imaginé que maintenant qu'on peut inscrire une structure d'interférence en trois, on peut inscrire finalement des données en trois dimensions. Ça augmente le volume de données qu'on peut inscrire sur une surface. Donc ça, c'était les premières, et puis évidemment, ça a été repris aussi par les artistes qui voulaient faire des objets en 3D. Donc ça, c'est les premières, disons, pensées qu'on avait sur le futur de l'holographie à l'époque. Gilles Tessier, sur toute cette époque, on pense notamment au labo Willow Run qui a lancé vraiment toute une série, qui a été à l'initiative de toute une série d'innovations dans les années 70. Oui, effectivement, bon, comme le disait Hugo, la 3D fascinait le grand public et c'est tout à fait compréhensible. Les développements suivants, ils ont été un peu incrémentaux, mais l'apparition de la couleur, donc d'hologrammes capables de restituer des couleurs, qui a aussi beaucoup joué. Et puis également quelques temps tentative de réaliser des films, c'est-à-dire des images tridimensionnelles animées. Bon, ce qui reste très difficile, hein, il faut dire que le procédé de prise de vue holographique, il est resté complexe, un peu lourd, laser, mais aussi stabilité. Et ça, c'est un point important. Et on parle bien de prise de vue holographique, on ne parle pas de la 3D du ciné, qui est une 3D plate, en fait. Il faut bien comprendre que dans l'holographie, on a vraiment l'intégralité, on peut tourner autour de l'objet qui a été photographié, qu'on peut le voir normalement, quasiment dans son intégralité. Absolument. Donc, tout ça s'est enregistré sans lentilles, et finalement, c'est lié à ce qu'on vient de discuter. Et le point de vue, il est intrinsèquement multiple. On n'a pas besoin d'avoir deux caméras comme on le fait aujourd'hui quand on veut filmer une vue en 3D. Oui, là où on reproduit une sorte de vision stéréoscopique. Bon, on ne va pas en reparler parce qu'on avait fait une émission entière, hein, sur les procédés de trois dimensions. On peut vous retrouver le lien. Mais ça veut dire que la vision holographique, l'image holographique, elle est à 360 degrés ? Alors pas 360, non. On ne va pas voir ce qui se passe derrière un objet. Ça, c'est tout à fait inaccessible. On est contraint par le sens de propagation de la lumière. Mais il y a quand même une certaine latitude. Hugo de Fienne, ça c'est pour donc l'holographie optique. On va parler dans quelques instants de ces différentes applications. Vous en avez cité quelques-unes, on va aller un peu plus loin. Maintenant, aujourd'hui, et avant d'arriver à l'holographie quantique, cette technique d'holographie optique, elle a été numérisée. Oui, effectivement. Donc, comme on l'a dit précédemment, en holographie, il y a deux phases. Il y a la phase d'enregistrement où on enregistre un hologramme, puis il y a la phase de lecture. Donc, pendant de nombreuses années, la phase de lecture, elle était optique, c'est-à-dire qu'on illuminait la plaque holographique pour visualiser l'objet. Mais en fait, avec le développement des caméras numériques, tout simplement, on a commencé à mesurer des hologrammes avec des caméras. Et donc, la reconstruction de la structure tridimensionnelle de l'objet, elle se faisait uniquement à partir de ces hologrammes qu'on mesurait avec un ordinateur. Et on reconstituait comme ça l'objet en trois dimensions avec l'ordinateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'holographie numérique, qui effectivement, en tout cas dans les laboratoires de recherche, notamment dans les laboratoires qui font de l'imagerie, qui utilisent des techniques d'holographie, c'est de loin la technique la plus utilisée. Aujourd'hui, l'holographie optique, on ne s'en sert quasiment plus. Il y a des exemples aujourd'hui qui utilisent encore des techniques d'holographie optique, Gilles Tessier ? Alors, il y en a sur toutes nos cartes bleues, sur nos billets de banque, certes. Donc, dans ce cas-là, ce ne sont pas des hologrammes qui ont été directement enregistrés sur des plaques argentiques, mais plutôt qui sont gravés avec des techniques assez proches de celles des CD-ROM réinscriptibles, en gravant des bosses qui sont finalement ce motif d'interférence complexe, mais donc ils sont tout à fait artificiels et refabriqués. Je dirais que c'est la principale application aujourd'hui des hologrammes optiques. On va parler dans un instant des applications de l'holographie numérique, vous allez voir qu'elles sont nombreuses, et puis on va parler également de l'étape d'après de l'holographie quantique. Holden de Dacapo à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale française à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons d'holographie Tout au long de cette heure, en compagnie d'Hugo Defienne, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Glasgow, et Gilles Tessier, qui est enseignant-chercheur à l'UFR de physique de Sorbonne Université et chercheur à l'Institut de la Vision, ça tombe bien, c'est précisément à l'Institut de la Vision que nous allons nous rendre, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons passer aux applications de l'imagerie holographique, à commencer par le domaine biomédical. Nous sommes donc rendus chez vous, Gilles Tessier, pour comprendre comment vous vous servez de cette imagerie holographique, et c'est le reportage d'Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai d'abord rencontré Clémence Gentner, qui est doctorante au sein de votre équipe à l'Institut de la Vision, Gilles Tessier. Clémence Gentner nous explique en quoi consiste la technique d'holographie numérique sur laquelle elle travaille et comment cette technique pourrait permettre d'améliorer les performances dans le domaine de l'imagerie biomédicale et notamment en ce qui concerne l'analyse de la viscosité de certaines cellules. J'ai également rencontré Dimitri Tanese qui est physicien lui aussi à l'Institut de la Vision. Son approche porte sur le recours à l'holographie dans le domaine de l'optogénétique. Il nous détaille comment l'utilisation de l'holographie pourrait permettre d'améliorer les performances dans ce domaine. Leurs approches sont donc très différentes, mais toutes deux visent des améliorations dans le domaine de la recherche biomédicale. Les hologrammes que tout le monde connaît, ça s'appelle des hologrammes analogiques, ceux qu'on voit vraiment à travers une plaque photographique. Alors nous, on ne fait pas ça, en fait, on fait de l'holographie numérique. C'est-à-dire que, au lieu de vraiment créer une image qu'on peut voir sur un support, on enregistre les hologrammes sur une caméra. Après, toute la reconstruction 3D se fait numériquement, par ordinateur. Donc aussi, la raison pour laquelle on se trouve à l'Institut de la Vision, c'est-à-dire au sein de l'hôpital ophtalmologique, c'est que, en fait, on utilise tout ça vraiment à des visées biomédicales. Et donc, en fait, oui, on travaille à des dimensions nanométriques pour faire de l'imagerie en fait à très haute résolution. Ça peut être par le biais de nanoparticules en fait qu'on va ensuite pouvoir injecter dans des tissus, dans des cellules qui vont permettre d'explorer la matière biologique pour des questions de recherche biomédicale. Si on devait décrire une expérimentation, par exemple, sur laquelle vous travaillez dans le cadre de votre thèse, en quoi consisterait cette expérimentation étape par étape ? Alors déjà, il y a toute l'étape d'alignement du laser, en fait. Donc c'est des alignements par différentes optiques, en fait. Ce qu'on appelle des optiques, ça peut être des lentilles, des miroirs, des cristaux qui vont donner certaines propriétés au vaisseau laser. Donc ça, c'est toute une partie instrumentation. Ensuite, on va bien former notre image microscopique sur l'échantillon biologique. Après l'acquisition, en fait, il y a encore toute une étape de traitement numérique, puisque les hologrammes, en fait, on les reconstruit uniquement par calcul sur l'ordinateur. Qu'est-ce que vous êtes posé comme question dans le cadre de ces expérimentations ? À quoi elles étaient-vous et ces expérimentations ? Ma technique, en fait, elle permet de faire des imageries en dynamique. Ce que j'essaye de voir, c'est des mouvements rapides dans des tissus ou dans des cellules. Vous parliez en préparant ce reportage du recours à des nanobâtonnets. Alors, où se situent ces nanobâtonnets ? En quoi ils consistent et comment vous vous en servez ? Donc, c'est des nanobâtonnets. Donc, l'idée, voilà, c'est de les injecter, en fait, dans des cellules. Et justement, quand je parlais d'imagerie dynamique, dans ce projet-là, justement, je suis capable de mesurer des rotations très rapides de ces bâtonnets. Donc, par exemple, je peux les forcer avec un champ magnétique, parce qu'ils sont magnétiques. Donc, je peux les faire tourner très vite et donc détecter ces mouvements. Et ensuite, déduire de leurs mouvements des propriétés sur le milieu. Par exemple, en fait, on peut faire comme ça une imagerie, par exemple, de viscosité, en voyant la force exercée par le milieu sur le mouvement du nano-bâtonnet, en l'occurrence. Donc moi, je suis Dimitri Tanese, je suis chercheur ici à l'Institut de la Vision, en particulier dans le département de photonique. Donc nous, on est des développeurs des outils optiques, en particulier appliqués aux neurosciences, et en particulier dans un domaine de neurosciences qui s'appelle optogénétique. Et donc l'idée principale dans ce domaine assez récent, c'est d'utiliser justement des nouveaux outils optogénétiques et des outils optiques un peu de point pour essayer de contrôler, visualiser l'activité neuronale grâce à la lumière. Donc l'idée de l'utilisation de l'holographie, ça consiste essentiellement d'être capable de remoduler la lumière et donc viser spécifiquement et illuminer seulement certains cibles bien spécifiques. Dans notre cas, ce seront des neurones. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser l'holographie pour mettre en forme la lumière, illuminer spécifiquement certains neurones et dans le cas spécifique, de les activer. Donc activer de l'activité neuronale de façon artificielle, contrôlée optiquement grâce à l'holographie. On a parlé souvent dans notre émission d'optogénétique. Peut-être qu'on peut expliquer et rappeler pourquoi le recours à l'holographie pourrait être une amélioration des performances de l'optogénétique. Absolument. C'est un outil qui vraiment apporte quelque chose de très important. Parce que de façon générale, on peut imaginer qu'on pourrait effectivement utiliser la lumière et de l'envoyer de façon un peu non contrôlée et uniforme sur tout un échantillon qui ça pourrait être du coup un réseau de neurones. Si ces neurones spécifiques expriment ce type de canaux optogénétiques, on pourrait les activer. Mais dans le cas d'une illumination uniforme, tous les neurones s'activent uniformément et tous ensemble. Cela, ce n'est pas intéressant parce que ça ne reproduit pas vraiment la vraie activité d'un réseau neuronal où les neurones s'activent singulièrement à des instants différents, dans des endroits différents. Du coup, la capacité de l'holographie de focaliser la lumière sur des endroits différents et d'être remodulée de façon continue l'illumination, ça nous permet de simuler une vraie activité neuronale de façon artificielle et contrôlée. Quels seront les prochains travaux que vous allez mener, les prochaines étapes un peu clés qui vous attendent dans le cadre de vos recherches? Ouais, les objectifs qu'on se pose, c'est effectivement être capable d'augmenter la précision et aussi les volumes qu'on peut effectivement contrôler grâce à ces techniques, être capable de contrôler, moduler de très grands réseaux neuronaux, idéalement aller en profondeur dans les tissus vivants, donc éventuellement travailler avec des animaux vivants, et pouvoir aussi éventuellement coupler ça avec des expériences de comportement. Donc essayer de voir comment la génétique et cette contrôle et modulation bien précise de l'activité des neurones peut avoir des conséquences sur les comportements, mais aussi sur certaines capacités comme la vision ou d'autres comportements similaires. Voilà le reportage du jour sur cette holographie numérique à l'Institut de la Vision. Je vais vous demander évidemment une réaction à ce que vous venez d'entendre et peut-être quelques compléments d'information, Gilles Tessier. J'aime bien ce choix d'intervenant parce qu'il dissocie vraiment clairement les deux aspects aujourd'hui de l'holographie, qui autrefois donc utilisait une seule et même plaque pour l'enregistrement et la restitution. Aujourd'hui, c'est physiquement fait dans deux laboratoires différents, en l'occurrence. Donc l'enregistrement d'une part pour Clémence Gantner et puis la restitution pour Dimitri Tanese. Il y a d'autres domaines d'application ou d'études à l'Institut de la Vision dont vous pouvez nous parler? Oui, il y en a pas mal. C'est vrai que l'holographie est beaucoup utilisée ou de plus en plus pour l'imagerie du vivant et des cellules qui sont essentiellement transparents. Et donc, quand on envoie de la lumière sur une cellule qui est composée à 80% d'eau, il y a malheureusement pas grand-chose à voir. Le contraste est très très faible. En holographie, le fait d'être capable de voir la manière dont la phase de l'onde, dont l'onde est déformée par le passage à travers une cellule, ça rapporte vraiment un contraste qui est précieux pour étudier le vivant. Hugo Defienne, une réaction à ce reportage et sur les différentes applications aujourd'hui de l'holographie numérique. On a entendu le biomédical, mais on peut parler d'autres domaines de la science. Oui, effectivement. Alors, il y a d'autres applications de l'holographie numérique. Une autre application que j'ai en tête, c'est notamment pour mesurer finalement des très faibles déformations de matériaux, parce que l'holographie, ça peut être utilisé comme une technique de mesure qui est très sensible. En fait, si on a la lumière qui est diffracté par un matériau et qu'il a des petites déformations de l'ordre du micromètre, ça va pouvoir être mesuré dans la figure d'interférence très facilement. Et grâce à cette technique, on va pouvoir faire du contrôle de matériaux, du contrôle de surface, notamment dans l'industrie. Et oui, également en musique, hein, finalement, l'étude de vibrations sur des instruments de musique ou de peaux de tambour, de guitare, que sais-je, voire même de tympans d'animaux, on est capable d'analyser les vibrations d'un tympan et ses modes de fluctuation par holographie. On revient à la règle entre les oreilles du début de l'émission. Plus généralement, en métrologie, l'holographie numérique est aussi utilisée précisément pour faire de la mesure de précision, comme vient de le dire Hugo Defienne. Dans quels autres secteurs? Alors, un petit peu tous les secteurs où l'interférométrie est utile, parce que donc du fait qu'on utilise une lumière qui a une longueur d'onde très courte, on va être sensible à de très faibles modifications. Donc si la lumière a une longueur d'onde de 500 nanomètres, une modification nettement inférieure à 500 nanomètres va être sensible. Donc quelques nanomètres et là on devient très très précis. Hugo de Fienne ? Oui, non, j'ai rien à rajouter avec ça. Effectivement, le fait que l'on ait cette précision, c'est très difficile à obtenir parce que dans la plupart des techniques d'imagerie, lorsqu'on essaie de faire de la microscopie, par exemple, on va être limité à des détails qui sont de l'ordre du micromètre. Et grâce à l'holographie, finalement, on va pouvoir avoir accès à des structures qui sont bien plus petites que le micromètre, en l'occurrence. On va continuer à parler de l'holographie dans le domaine biomédical avec notre doctorante du jour dans la recherche montrante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marine Beurrier-Bousquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en première année de thèse au CEA Leti à Grenoble. Vous travaillez sur l'holographie numérique dans l'infrarouge pour le diagnostic des cancers. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Donc effectivement, l'objectif de ma thèse, c'est de proposer un nouvel outil d'imagerie infrarouge pour améliorer et accélérer le diagnostic de cancer. Donc c'est donc un outil qui sera plus tard proposé aux médecins. Et ce nouveau dispositif d'imagerie se base sur l'holographie dans l'infrarouge, dont je vais expliquer les bases ensuite. Mmh. Actuellement, le diagnostic du cancer se fait sur des prélèvements issus de biopsies déshydratées et ça peut prendre entre 2 et 15 jours en fonction de la pathologie. Donc en effet, cela peut demander de nombreux tests. Et ce que je propose avec ma thèse, c'est une méthode qui pourrait réaliser une partie de ces tests en une seule fois, donc ce qui permettrait un réel gain de temps. L'autre challenge de ma thèse, c'est de proposer une méthode pour réaliser ce diagnostic in vivo, donc directement sur le patient. Sauf que 60% du corps humain est constitué d'eau et que l'eau gêne le diagnostic en lumière infrarouge. Donc aujourd'hui, on pense que l'holographie pourrait venir résoudre ce problème posé par l'eau et que dans l'infrarouge, cette technique pourrait permettre de mettre en évidence quels tissus sont cancéreux ou pas. Donc, dans un premier temps, pour mieux comprendre tout ça, il faut savoir qu'une cellule cancéreuse contient davantage de molécules d'ADN qu'une cellule saine. Et c'est justement grâce à la lumière infrarouge que cette différence peut être révélée. Pourquoi ? Parce que la lumière infrarouge, invisible pour l'œil humain, est la partie du spectre lumineux la plus absorbée par les molécules qui constituent les êtres vivants. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie de la lumière infrarouge sur ces molécules, celles-ci vont absorber une partie de la lumière. Et à certaines longueurs d'onde dans l'infrarouge, il y a alors une absorption, donc une diminution d'intensité de la lumière lors de son passage à travers l'échantillon qu'on analyse. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Et ainsi, chaque molécule peut être identifiée par ce spectre d'absorption qui est comme sa signature moléculaire. C'est ça la spectroscopie infrarouge. Aussi, l'absorption est proportionnelle à la concentration de ce qui est analysé. Donc autrement dit, une cellule cancéreuse contenant une quantité d'ADN plus importante absorbe davantage la lumière et a donc une signature infrarouge différente de celle d'une cellule saine. Cependant, comme mon objectif serait de faire un diagnostic in vivo, je vais chercher à analyser des échantillons de tissus contenant naturellement de l'eau. Sauf que l'eau absorbe aussi énormément dans l'infrarouge, qui gêne les mesures lorsqu'on veut regarder l'absorption de l'ADN. Et c'est là que l'holographie entre en jeu, car elle va permettre en fait de contourner cette absorption due à l'eau. Et en effet, lors d'une mesure holographique, la lumière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, traverse l'échantillon et est plus ou moins ralentie par les atomes qui composent la matière. Et le degré de ce ralentissement est donné par ce qu'on appelle la phase de l'onde lumineuse. Donc tout comme l'absorption, la variation de phase en fonction de la longueur d'onde est spécifique à l'objet imagé et peut être retrouvé grâce aux interférences obtenues avec le principe de l'holographie sur une caméra infrarouge numérique. Donc ces deux notions d'absorption et de phase sont liées physiquement car les deux sont causées par les interactions entre la lumière et les atomes des molécules qui vibrent entre eux. Donc ce sont ces vibrations plus ou moins rapides qui font que la lumière est absorbée mais aussi ralentie au sein de la matière. Et à un spectre d'absorption correspond donc un spectre de phase et inversement. Et en résumé, c'est donc grâce à l'holographie dans l'infrarouge que les cellules saines et cancéreuses pourraient être différenciées in vivo, par exemple en endoscopie. Et l'holographie permettrait alors de s'affranchir de la forte absorption de l'eau dans l'infrarouge et donner à la fois une image infrarouge de l'échantillon et la phase spécifique à celui-ci. Et cette phase, en lien avec l'absorption, fournit alors la carte d'identité de l'échantillon qui pourra être alors diagnostiqué comme étant cancéreux ou non. Et à terme, l'objectif de ma thèse, c'est de fabriquer, grâce aux moyens technologiques du CE Aleti, un dispositif miniaturisé et à bas coût, facilement utilisable par les personnels de santé. Merci beaucoup Marine Beurrier-Bousquet pour cette présentation. C'est assez passionnant d'imaginer l'holographie numérique comme aide au diagnostic en oncologie, Gilles Tessier. Effectivement, oui. Et on retrouve bien à travers ce travail hein, cette dualité, le fait que l'holographie enregistre à la fois l'intensité et la phase. Je pense que c'est vraiment l'outil majeur qui est utilisé ici. Et puis le fait que ce concept marche un peu à n'importe quelle longueur d'onde. Donc ici transposé à l'infrarouge, mais ça pourrait marcher aussi dans les rayons X. Et donc dans les rayons X, avec quel type d'application à la clé, à votre avis? Alors soit en sciences des matériaux, les rayons X pénètrent à travers beaucoup de matériaux, soit naturellement pour les sciences médicales. Imaginons une imagerie 3D faite en rayons X, sans avoir à scanner, ce serait très intéressant. En sciences des matériaux, on peut aussi penser, et ce sera le sujet d'une émission future également, à de l'archéologie non-invasive, hein, quand on peut lire comme ça à travers différentes couches de matériaux et avoir accès à qui plus est en image holographique, donc du coup reconstituer des choses sans saccager des chantiers, ça peut être... On y consacrera d'ailleurs une émission complète d'ici quelques semaines. Hugo Defienne, une réaction à ces travaux qui ont été présentés par Marine Beurrier-Bousquet au diagnostic en oncologie? Non, mais c'est intéressant, effectivement, ça appuie encore une fois le potentiel applicatif de l'holographie pour à la fois la recherche médicale, mais aussi le diagnostic médical d'une manière générale. C'est aussi utilisé, ça me faisait penser qu'il y a aussi une autre application qui est beaucoup utilisée, l'holographie utilisée par exemple pour observer la morphologie des cellules. Et grâce à la morphologie des cellules, on peut parfois en fait en déduire quel type de maladie ou quel type d'anomalie il y a dans le sang de certains patients lorsque leurs cellules, pardon, les globules rouges sont analysés. Je voulais parler des globules rouges. D'accord. Vous voulez réagir, Gilles Tessier ? Oui, puisque Hugo parle de globules rouges, il y a aussi de très belles techniques holographiques qui utilisent l'effet Doppler, c'est-à-dire une mesure du déplacement des globules rouges. Il y a de très belles manips là-dessus qui font des mesures aujourd'hui chez l'humain dans l'endroit où le sang est facilement accessible, c'est-à-dire au fond de la rétine. Donc on fait de l'holographie qui mesure le décalage Doppler dû au mouvement des globules rouges dans les vaisseaux sanguins de la rétine. D'accord, pour de la médecine optique. Absolument, pour analyser la vascularisation de la rétine chez le sujet vivant. En ophtalmologie. Alors, on a parlé de l'holographie optique, de l'holographie numérique. Aujourd'hui, et maintenant commence à se développer l'holographie quantique avec un papier intéressant publié tout début février dans la revue Nature Physics. Vous pouvez nous dire un mot, Hugo Defienne, de ce qu'est aujourd'hui l'holographie quantique, comment ça marche et puis surtout à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à l'holographie numérique notamment. Oui, alors avant peut-être de rentrer dans le détail de la technique qu'on a développée à l'Université de Glasgow, j'aimerais dire un petit mot un peu plus global sur l'holographie quantique. Donc l'holographie quantique, ça fait référence aux techniques d'holographie qui fonctionnent grâce aux propriétés quantiques de la lumière. Propriétés quantiques de la lumière, ce sont les propriétés que possèdent les particules de lumière qu'on appelle les photons. Alors il faut bien avoir en tête que ça, c'est un tout petit sous-ensemble d'un domaine un peu plus large qui est l'imagerie quantique, où cela fait référence aux techniques d'imagerie qui utilisent ces propriétés quantiques. C'est un domaine qui est complètement émergent, hein. Il y a très peu d'applications dans la vie de tous les jours, et les seules démonstrations qu'on a pour le moment, elles sont au laboratoire. Et c'est aussi très récent, les premières idées d'holographie quantique avec de la lumière ont émergé dans au courant des années 2000, donc par des travaux de chercheurs américains, travaux théoriques. Puis récemment, il y a eu des expériences qui ont été faites à l'Université de Franche-Comté, à Besançon, qui ont montré qu'on pouvait lire un hologramme avec de la lumière quantique, avec des paires de photons. Et donc récemment, nos travaux dans lesquels nous, on implémente une technique d'holographie en utilisant une propriété quantique qui s'appelle l'intrication quantique. Et ça permet de nous affranchir du phénomène d'interférence qui est à la base de toutes les méthodes d'holographie classiques. Donc ça c'est pour la base, hein, l'intrication quantique, on en a souvent parlé dans cette émission, on va pas revenir peut-être sur le détail, peut-être en revanche que vous pouvez nous expliquer comment on utilise cette propriété d'intrication quantique, comment vous avez réussi avec votre équipe, hein, puisque c'est vous qui êtes le premier signataire de l'étude de Nature Physics, comment vous avez réussi grâce à cette propriété d'intrication quantique à reconstituer une image holographique, donc elle-même dite quantique, hein, puisque vous avez utilisé précisément ses propriétés. Oui, alors oui, donc ce que je vais faire pour décrire, pour expliquer comment ça marche, je vais essayer de décrire l'expérience, comme on va bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis on va mettre une petite image aussi sur le fil Twitter de l'émission pour que vous puissiez visualiser cette expérience où vous allez, entre les explications d'Hugo Defienne et peut-être avec le support de l'image, absolument tout comprendre. D'accord, donc brièvement, je vais juste en une ligne rappeler quand même ce que c'est l'intrication quantique. Donc l'intrication quantique, c'est une propriété que possède un groupe de particules, dans notre cas ça sera un groupe de photons, un groupe de particules de lumière, qui fait qu'elles se comportent comme une seule et même entité physique, quelle que soit la distance qui les sépare. Par exemple, si j'ai un photon à un bout de l'univers et un photon à l'autre bout de l'univers, si ces photons sont intriqués, alors dès que j'agis sur un photon, j'agis également sur l'autre photon. Donc, dans notre expérience, dans la technique qu'on a mise en place, on utilise une source de paires de photons intriqués. Source de paires de photons intriqués, c'est un peu comme un laser, mais très très faible, et qui génère tous les photons par paire. Donc, dès que les photons sont émis, ils sont émis par paire, il y a une sorte de flux de paires qui sort de notre source. Alors, c'est très très peu intense, hein, c'est près de 1000 milliards de fois moins intense que les lumières qu'on a, par exemple, dans notre salon. Donc, quand on regarde avec les yeux, on voit rien du tout à cette source. On utilise cette source un peu de la même manière qu'en holographie classique, on la divise en deux faisceaux. Et dans chacun des faisceaux, on fait en sorte qu'il y ait un photon de chaque paire. Il y a un faisceau qui est dirigé donc vers l'objet dont on souhaite faire l'hologramme. Cet objet diffracte la lumière, donc diffracte ses photons, et ces photons, ils sont mesurés avec une caméra très sensible. Donc ça, c'est une première caméra. Et de l'autre côté, on a une deuxième caméra qui vient mesurer le second faisceau, et ce faisceau qui, lui, n'interagit pas avec un objet qui se propage dans l'espace libre. Qui est le faisceau de référence, comme en holographie optique exactement, classique. Exactement, le faisceau de référence, parfaitement. Et donc, contrairement à l'holographie classique, ici, on voit bien qu'on a bien deux faisceaux distincts, deux caméras distinctes, et qu'il n'y a jamais de recouvrement entre les deux faisceaux. Et ça, c'est un point essentiel. Comme on n'a pas de recouvrement, on ne crée absolument pas de figure d'interférence, et si on regarde ce qu'il y a sur les caméras, on voit absolument rien, on voit des taches homogènes. En revanche, comme je vous l'ai expliqué, nos particules sont intriquées, ce qui fait que quand le photon interagit avec l'objet, il imprime finalement la structure, des informations sur la structure de l'objet, ces informations de phase, et ces informations de phase sont immédiatement partagées avec le second photon qui, lui, est dans le faisceau de référence. Inversement, le photon du faisceau de référence qui, lui, n'a pas rencontré d'objet a une phase plane, et cette phase plane est également partagée avec l'autre photon à travers cette intrication quantique. Et ce partage des informations de phase, finalement, ça conduit à une addition des phases. Et comme l'a expliqué Gilles un peu plus tôt, l'addition des phases, c'est exactement ce qui est au cœur du phénomène d'interférence. Alors ici, on ne voit pas l'interférence puisque on ne lit pas cette addition de phases en recouvrant les faisceaux, en créant une figure d'interférence. Mais néanmoins, cette addition de phase, elle est dans la structure d'intrication de nos photons. Et la lecture se fait comment, du coup? Exactement. Donc, la lecture, elle se fait d'une manière bien spécifique. On va prendre les deux caméras et on va venir mesurer des corrélations entre les détections de photons entre les deux caméras. C'est-à-dire que quand on va mesurer un photon sur une caméra à un pixel, on va aller se demander où est le photon que l'on a détecté sur l'autre caméra. Et à travers ces corrélations spatiales, on va venir construire une image qu'on appelle une image de corrélation. Et c'est cette image de corrélation qui va révéler quelque chose qui ressemble à une figure d'interférence et qui donc contient l'information de phase sur l'objet, et donc l'information sur la structure tridimensionnelle de l'objet qu'on a éclairé. C'est donc une sorte de reconstruction holographique a posteriori par la lecture des images des deux caméras. Exactement. Et il y a un point qui est très important ici, quand même, j'aimerais le rappeler, c'est juste que jamais, en aucun cas, on ne superpose les deux faisceaux. Donc, jamais on ne crée de figure d'interférence. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que même si on voulait le faire, si on prenait notre source et qu'on voulait la mettre dans un dispositif classique et qu'on voulait recouvrir le deux faisceaux, on n'observerait pas d'interférence car la lumière qu'on utilise est complètement incohérente et complètement non polarisée. Ce qui fait qu'on vraiment ici, on a fait un saut conceptuel dans l'holographie dans le sens où on n'utilise plus du tout l'interférence classique pour finalement reconstituer la structure tridimensionnelle de l'objet, mais qu'on utilise purement l'intrication quantique, cette propriété quantique qu'on a donc entre des paires de photons. Merci beaucoup à tous les deux. On comprend que c'est très très fondamental encore comme recherche, mais on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Hugo Defienne, merci Gilles Tessier d'être venu parler de l'holographie. Un mot pour vous dire et pour vous rappeler que vous avez, vous qui nous écoutez, qui êtes enseignant dans l'éducation nationale, dans le secondaire, dans le supérieur, peu importe, que vous, si vous êtes enseignant, vous avez jusqu'au 15 avril pour soumettre à France Culture votre podcast. Si vous faites des podcasts pédagogiques pour vos élèves, en l'occurrence pour les sciences, c'est-à-dire en sciences naturelles ou en mathématiques pour le moment, vous pouvez soumettre ces podcasts à France Culture et bien il y aura une sélection des meilleurs podcasts et bien les podcasts sélectionnés in fine seront diffusés sur la plateforme de podcast de France Culture. On vous met là aussi le lien sur notre fil Twitter @lamethodefc. Vous pouvez envoyer vos podcasts à l'adresse podcast des les profs au pluriel @radiofrance.com. Voilà tous les détails donc sur notre fil Twitter @lamethodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Alexandre Morales, Natacha Triou, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard, à la réalisation, Jean-Frédéric, à la technique. Demain, nous parlerons mathématiques et flocons de neige, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais la géométrie des flocons de neige est un problème qui a été résolu que récemment. J'aurai le plaisir de m'entretenir de cela et de bien d'autres choses demain avec le mathématicien Etienne Gis. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.